voilà, ma fidèle main cruelle. Toi que je croyais parti, perdu, évanoui, ainsi te revoilà, aussi forte et plus belle. Moi qui me croyais finalement à l'abri. Tu étais juste tapis au creux de ma cervelle, te faisant oublier avec le plus grand soin. Tu n'es jamais parti loin, non, jamais bien loin. Mais vos musiques à jamais